ainsi en votre compagnie, Loïc Artiaga et Mathieu Letourneux poursuivent donc les agissements, les méfaits de cet être insaisissable dont il est question depuis minuit, de ce génie du mal, de ce prince de la mort et du crime, donc Fantômas, qui grâce à vous et à la collection Bouquin chez Robert Laffont retrouve vie, puisque l'on peut lire déjà 2 tomes, à savoir 8 romans, et qu'on attend avec impatience évidemment le 3e tome, le 4e, etc. Il y en aura 8, puisque 32 divisé par 4, ça fait 8 volumes, c'est bien ça. Je crois qu'il y a eu quand même d'autres, il y a eu une suite par Marcel Alain seul, et Pierre Souvestre là était mort depuis longtemps, même si Marcel Alain avait épousé sa veuve, mais enfin ça... Oui, et de Mathieu façon... Letourneux. De façon tout à fait naturelle, la suite s'est intitulée « Fantômas est-il ressuscité ?» Puis Fantômas est ressuscité, on se doute bien que c'est un personnage qui est appelé à revenir, d'abord à revenir sous toute une série de romans, à revenir au cinéma, à revenir en bande dessinée. Marcel Alain était scénariste d'aventure de Fantômas, un Fantômas en collant qui ressemble à une sorte de super méchant, un peu ridicule, mais il y a toute une série de suites en roman photo, en bande dessinée, en série télévisée, etc. C'est un personnage qui ne meurt pas et qui se dissémine dans les médias, il faut bien le dire. Mmh. Alors il reste impuni, mais alors il est impuni parce qu'il faut reconnaître que vous l'avez signalé au début de la nuit quand même, que les Américains, eux, avaient remarqué que Juve et que Fandor, Juve étant l'inspecteur, Fandor étant le journaliste, mais qu'il y a eu un autre nom et un autre prénom dans le premier roman, ça je ne sais pas encore, je n'ai lu que 8 romans, je ne sais pas si on va savoir pourquoi, le pourquoi du crime du premier roman. Il fallait attendre des mois et des mois pour savoir la suite. Loïc Artiaga. Un volume chaque mois. Oui, non, ça j'ai bien compris, mais vous vous souvenez quand même que dans le premier roman, il y a un crime, ça commence un petit peu, ça pourrait être dans un décor à la Mystère de la Chambre Jaune, enfin, on est à la campagne. Ça commence en Corrèze, alors on est beaucoup plus bas que dans le Mystère de la Chambre Jaune géographiquement, mais c'était une des pistes finalement de Souvestre et Alain, c'était un petit peu, c'était pas le mystère, un mystère en chambre close, mais enfin c'était quand même ça qui a tué. Alors rapidement, on soupçonne un jeune homme qui va devenir, qui va changer de nom, qui va devenir Jérôme Fandor. Voilà, grâce à Juve qui va passer un certain nombre de romans à se chercher un fils, à le trouver, et puis Fantômas, lui, va se chercher une fille. Enfin, c'est très... Si les surréalistes se sont intéressés à Fantômas, est-ce que les Freudiens se sont intéressés à Fantômas ? Loïc Artiaga. Freud, oui. Freud cite Fantômas, et cite Fantômas pour une raison très précise, hein, c'est cette question de l'écriture quasi automatique, quoi, branchée sur l'imaginaire. Il raconte à un moment donné, voilà, il semblerait que des romanciers à Paris soient en train d'enregistrer pour écrire un roman. Je ne crois pas qu'il y ait d'autre chose chez Freud s'agissant de Fantômas. Mais ce qu'il a lu, il l'a lu, oui. Mais alors, c'est, quand même, il parle de Fantômas. En note, il y a une note de Freud qui évoque la série de Souvestre et Alain. Il en dit très peu de choses, mais c'est quand même très étonnant de se dire que ça a intéressé au même moment les avant-gardes, Freud et les surréalistes. Ça dit quelque chose de la puissance du personnage. Ça dit aussi quelque chose de tous ces changements, ces travestissements, ces changements donc de nom, de visage, de raison sociale, de ville, sur le fait que Fantômas déteste les habitudes. C'est un homme qui s'ennuie peut-être. Enfin, il s'ennuierait s'il ne commettait pas tous ces crimes. Alors malheureusement, on sait peu de choses de la psychologie de Fantômas. Attendez, vous avez écrit Fantômas, biographie d'un criminel imaginaire. Alors il y a quand même un peu de psychologie. On n'a pas vraiment fait de psychologie de ce criminel. Non, justement, alors c'est vrai qu'il y a ces pistes filiales. On voit Fantômas affecté face au manque d'amour de sa fille. On le voit aussi avoir des relations compliquées avec son fils. Mais finalement, en dehors de ces moments-là, je ne suis pas encore arrivé au fils de Fantômas. Je ne connais que la fille. Peut-être qu'on a défloré une partie. Voilà. Alors continuez, Loïc Artiaga. Si ce n'est face à la famille, quoi, hein, d'une certaine façon, on le voit assez peu désemparé. Si parfois les relations avec Lady Beltham peuvent l'affecter, elles affectent plus Lady Beltham que Fantômas en réalité, mais la psychologie du monstre est quelque chose qui échappe. On a entendu donc en début de nuit, Fantômas le génie du crime, on a entendu Lady Beltham sauver la vie de Fantômas, qui s'appelle Gurn à ce moment-là, en remplaçant un comédien qui s'était fait la tête de Fantômas. Il faut quand même avoir un sacré culot, courage ou être suffisamment bête à ce moment-là pour jouer à Fantômas, alors que Fantômas rôde dans la ville, plane sur la ville, et voilà, il va vous on va le remplacer. Il y a deux choses intéressantes dans cet épisode de la tête tranchée de Valgrand. D'abord, la première chose, c'est que ça renvoie à des pratiques... Valgrand, c'est le nom d'un comédien. C'est le nom du comédien, en fait. Hein. Ça renvoie à des pratiques qui sont assez courantes dans cette culture médiatique du début du XXe siècle, où même sur les planches, on recycle finalement tout un tas d'actualités. Le fait aussi de choisir de trancher la tête à un comédien de théâtre un peu à l'ancienne, qui est un type très vaniteux, qui renvoie comme ça à des formes beaucoup plus archaïques du spectacle. Je crois qu'il y a aussi un message venant de la modernité. Du passé faisant tête rase. C'est ça, oui. À mon sens. Bon. Alors, il y aura aussi, alors, ce qui va suivre là, dans les émissions, projection privée, Michel Simon, spécial Louis Feuillade. Alors, le cinéma, tout de suite, donc, 2 ans après, Gaumont a acheté les droits des Fantomas, ça a été aussi un immense succès. Ça a dû faire ressortir, revendre tous les volumes, non ? Mathieu Letourneux, Loïc Artiaga, Juve, Fandor, un des deux. En termes de vente, le succès des volumes a été considérable, moins grand qu'on l'a dit par la suite, mais ce sont quand même des tirages au début à plus de 100 000 exemplaires, c'est énorme. Surtout ce qui se passe avec le cinéma, dont on ne peut plus prendre la mesure aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous adaptez un roman, évidemment le roman se vend davantage et le cinéma relance. Mais à l'époque, ça n'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est que d'un seul coup, les gens voient à l'écran... le personnage des romans. Ça n'arrivait pas avant. C'est totalement nouveau. Donc, il y a une nouveauté radicale qui n'est pas simplement une affaire d'adaptation, mais une affaire de basculement dans la société du XXe siècle. De la même façon, c'est un des premiers personnages qui se met à exister. Et comme par hasard, ce personnage est celui qui n'a pas d'identité. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose de passionnant. Une des premières grandes figures cinématographiques à succès et médiatique est un homme qui n'a pas de visage. Qui est celui du comédien qui existe, lui, René Navarre. Plus tard, il y aura d'autres visages. Vous n'avez pas cité les adaptations cinématographiques des années 60. Elles sont Loïc Artiaga. Comment vous osez en parler ou en dire du mal, oui, du bien? Oui, vous savez, moi je suis né en 76 et mon intérêt pour Fantomas, il est d'abord né avec Jean Marais et Louis de Funès. C'est finalement à l'envers que j'ai appris à connaître Fantomas. Ce sont des adaptations que... les gardiens du temple, d'une certaine façon, ceux qui ont préféré le Fantomas de Feuillade, celui des surréalistes. C'est une canonisation qui arrive assez tard. Hein. Considérer Feuillade comme un auteur de chef-d'œuvre avec Fantomas, c'est en gros l'entre-deux-guerres et, à vrai dire, plutôt les années 1930. Donc, on a produit un discours qui, d'une certaine façon, légitimait les premiers au prix d'une dégradation symbolique des suivants. C'est-à-dire qu'il fallait apprécier les premiers Fantomas pour détester de manière encore plus forte ceux des années 1960. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup, plus je lis Fantomas, plus je me dis que finalement, il y a beaucoup du Fantomas initial dans, malgré tout, et à contre-courant, puisqu'il est propulsé dans les années 60, que c'est un personnage qui est un personnage de bouffon. Enfin, il y a beaucoup de choses qui diffèrent. Néanmoins, dans cette folie que choisit d'adapter André Hunebelle, dans l'humour aussi, je pense qu'il y a pas mal du Fantomas des origines, contrairement à ce qu'on a pu en raconter. Puis surtout, c'est une fiction extraordinaire pour analyser la Ve République. C'est un des grands films de la Ve République. On y voit, comme on voyait finalement en 1911, la société de l'époque. Les rapports tendus, exactement, la société. Mise à nu à travers les aventures de Fantomas. On voit très bien cette nouvelle société qui s'organise. Ça commence en 64, donc la Ve République est vraiment toute neuve. On voit cette Ve République public qui se déplie finalement face à nous avec Fantomas qui va à la fois en révéler certaines arcanes, qui va montrer certains rapports de force et qui va aussi en montrer les travers. Et les déesses. Et les déesses. Et les hélicoptères, et les porte-avions peut-être, je sais plus. Enfin... Porte-avions, oui, il y a des chasseurs qui arrivent à la fin du troisième film, je crois. C'est la Royal Air Force qui finit par tenter de bombarder Fantomas. Alors, est-ce que les tomes de Marcel Alain, enfin les romans signés Marcel Alain, sont disponibles, Mathieu Letourneux? Est-ce qu'on peut les... Alors, ils ne seront pas dans la collection bouquins, a priori? A priori, ils ne seront pas dans la collection bouquins, sauf si bouquins souhaitent prolonger au-delà. Non, ce sont les plus difficiles à trouver actuellement, même si on ne trouvait les 32 volumes que dans des versions coupées, mais on les trouvait dans ces versions coupées. Les Fantomas de Marcel Alain seul sont assez difficiles à trouver. Ils sont inférieurs aux Fantomas d'avant la Première Guerre mondiale, mais ils sont intéressants quand même. Oui, mais ça voulait dire quoi? Que c'était Pierre Souvestre qui savait écrire ou... non, Loïc Artiaga? Mais il y a peut-être l'idée que finalement Fantômas a passé son époque. Comment faire peur après la Première Guerre mondiale, quand vous avez eu une guerre de masse? Est-ce que quelqu'un qui va piéger des parfums dans un grand magasin ou faire peur de la même façon? Peut-être pas. Et puis, il y a des problèmes très techniques qui se posent à Marcel Alain. Son objectif est de tirer le maximum de profit de Fantômas. Et il a donc vendu les droits à la Fox aux États-Unis. Et il est terrorisé au début des années 20. C'est un contrat qui se passe mal avec la Fox. Il les attaque en justice, il perd. Mais il a vendu des droits très étendus. Et il est terrorisé. Et il attend le feu vert de son avocat pour pouvoir reprendre la plume et réécrire les aventures de Fantômas en 1926. Il les reprend seul. Et finalement, Marcel Alain n'aura de cesse de courir après un succès qu'il a connu dans les années 1910. Lui était très jeune. Et invariablement, Fantômas reviendra par la fenêtre, par la porte, par les illustrations, par les égouts. Par la bande dessinée, par Cortázar aussi. Oui, mais moi je pensais plutôt à ce Fantômas qui revient malgré lui dans les œuvres de Marcel Alain. Il va produire plus de 500 romans. Et à chaque fois, on lui renverra Fantômas à la figure, ou lui-même réintégrera Fantômas en douce à l'intérieur de ses autres histoires. Alors comment s'appellent les personnages de Marcel Alain qui ne sont pas Fantômas? Il y a Méchanto, je sais pas. Mystéria, Fataris, Fatala. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans l'entre-deux-guerres, on peut supposer, pour justifier ce déclin du personnage, dans l'entre-deux-guerres, c'est le moment de la grande prolétarisation du romancier populaire. C'est vraiment un moment où le romancier populaire n'a plus du tout la main sur ses récits. Les éditeurs sont tout puissants à travers le système des collections, etc. Les auteurs sont particulièrement mal payés. Et donc, je pense que pour Marcel Alain, les enjeux ne sont plus des enjeux littéraires, ce sont des enjeux médiatiques. C'est là qu'il va gagner de l'argent, dans les adaptations. Donc, il écrit des romans très vite dans l'espoir de relancer son personnage au cinéma, etc. Et donc, c'est un produit d'appel, Fantômas, désormais. Alors, avant qu'on écoute la suite de cette nuit spéciale Fantômas, Loïc Artiaga, Mathieu Letourneux, dites-moi, Lady Beltham, donc, je n'ai lu que 8 romans. Je ne vous demande pas ce qu'elle devient, parce que ça perdrait l'intérêt ensuite, ça me ferait perdre l'intérêt de la lecture. Mais qu'est devenue la veuve de Pierre Souvestre, devenue l'épouse de Marcel Alain? Est-ce qu'elle est morte avant Marcel Alain? Elle meurt un personnage quand même. Vous n'avez pas envie d'écrire sa biographie? Elle meurt en 1952. Comment s'appelle-t-elle déjà? Henriette Kissler. Kissler. Elle meurt en 1952. On sait peu de choses, en fait, sur elle. On a eu beaucoup de mal à trouver des informations. On a trouvé un beau portrait. Donc, si vous lisez notre biographie... Elle tire les cartes aussi, à un moment donné, non? Il y a une photo étonnante. On la voit en cartomancienne. Elle fait beaucoup plus âgée que Marcel Alain. Elle est plus âgée d'une dizaine d'années, je crois. On a retrouvé aussi des lettres enflammées que Marcel Alain... Enfin, des petits billets que Marcel Alain lui glisse au moment où, finalement, le trio existe. Ils vivent dans le même immeuble. Et on peut imaginer assez paradoxalement que ce moment de l'écriture de Fantômas, qui pour Marcel Alain est malheureusement pour lui le sommet de sa carrière, il est très jeune, a aussi dû être un moment d'immense souffrance personnelle, puisqu'il était déjà amoureux d'Henriette. Bon, bah écoutez, écrivez le roman alors. Voilà. Projection privée Michel Simon, spécial Louis Feuillade, studio danse Fantômas par Laurent Goumard, puis la fin de Fantômas, l'adaptation de Pierre Dupriez et Serge Martel, réalisation Jean-Jacques Vierne. Et on se retrouve vers 6h25, Loïc Artiaga et Mathieu Letourneux pour se dire au revoir. Dear one. So happy Christmas for black and for white, for yellow and red ones. Let's stop all the fight. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. And so this is Christmas. So this is Christmas. And what have you so happy Christmas. We hope you have fun, the near and the dear one, the old and the young. Hallelujah. A very Merry Christmas. A very Merry Christmas. And a Happy New Year. And a Happy New Year. Let's hope it's a good one. Let's hope it's a good one. Without any fear. Without any fear. Ooh, war is over. War is over. War is over.